Bien, chers auditeurs, bonsoir. Nous nous rejoignons ce soir au Club du Chat qui Swing, où va se produire un trio, ma foi, fort réputé, puisqu'il s'agit des Invendables. Mais il me semble que les musiciens sont maintenant prêts, donc je vous laisse place à la musique.